Et donc, vous prenez une sortie d'autoroute. Enfin, et vous arrivez effectivement, il y a une espèce de parking, enfin, qui est complètement défoncé, hein, par les branches et tout, mais c'est quand même réellement un parking. Et il y a un bâtiment, effectivement, qui fait office d'auberge. Alors, c'est une auberge quand même un petit peu fortifiée, dans le sens où toutes les ouvertures toutes les ouvertures du rez-de-chaussée sont barricadées par des palissades. Il y a juste des petites meurtrières qui permettent de voir, quoi. Et la porte en elle-même, c'est une putain de grosse porte en bois, qui pourrait même être capable de résister à un bélier, quoi. Avec juste un Judas. Et il y a, à l'arrière de l'auberge, il y a une étable. Et il y a un étage avec des fenêtres, enfin, quand même des petites fenêtres, quoi, mais c'est un petit peu moins barricadé, l'étage, quoi. Et on voit de la lumière qui mène du bâtiment, je sais pas par là. Oui, il y a de la lumière, il y a de la lumière au rez-de-chaussée, quoi. Je klaxonne un coup. Est-ce qu'on va avoir de l'argent et tout ça pour pouvoir. Quand je sais pas si ça fonctionne avec un système de troc, peut-être. Bah, en fait, système monétaire, c'est il y a en fait, on peut, ouais, le troc se pratique beaucoup, hein. Sinon, effectivement, on peut payer en caps, qui sont des capsules de bière. C'est vaguement ce qui sert de monnaie dans le secteur, quoi. D'accord. Les deux sont valables. On a de la viande aussi. Ouais, bah, ça peut être tout à fait être valable. Eh bien, en tout cas, alors que tu klaxonnes, il y a comment comment il y a il y a il y a une voix qui sort du Judas, et qui fait: oui, il y a quelqu'un, venez. Moi, je saute à bas du pick-up avec mon coca dans les bras. Ok. Il y a un véhicule, hein, il y a un véhicule aussi qui est que vous voyez, garé au niveau de l'étable avec les chevaux, quoi. C'est une moto, en fait, une Harley, qui est assez défoncée, hein, qui a connu des jours meilleurs. Et il y a des gros crucifix, en fait, qui sont accrochés un peu partout sur la Harley. Crucifix en métal comme des petits bijoux. En métal, en bois, en nacre, et un peu toutes les matières. Quelque chose de volumineux, ça marche. Bah, il y en a surtout beaucoup, en fait. Il y en a un gros sur le guidon, quoi. À la place de comment à la place du phare, quoi. Il n'y a plus de phare de moto depuis longtemps. Et puis sinon, il y en a plein accrochés un peu partout, des petits. Je vais m'approcher du petit véhicule, curieux. Savoir s'il y a un propriétaire. Ça m'interroge un Bah, peu. s'il a un propriétaire, il doit être dans l'auberge, en fait. Ouais, bien sûr. Je m'approche, je frôle les crucifix, je pose ma main sur la moto, ouais, un truc comme ça. Comment? Il y a une pièce de la moto. Après, c'est peut-être pas grave de le savoir, ça dépend de tes connaissances mécaniques, mais il y a une pièce de la moto qui est enlevée. De façon à ce que tu puisses pas, en fait, tu puisses pas, te barrer avec la moto, quoi. J'avais posé la question. Ouais, voilà, il manque le kick, voilà, c'est ça, il manque le kick, en fait, de la moto, quoi. Donc tu peux pas démarrer la moto. Après voir ce que feront mes camarades, oui, à partir du moment où je vais m'en détourner, on va rentrer dans l'auberge, vu qu'on est là pour ça. Ok. Donc, je crois pas que vous ayez d'armes sur vous, hein, il me semble pas, hein. J'ai quand même des couteaux de lancer, mais après. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et moi, ma machette. Moi, Vous avez j'en aussi ai la pas. pétoire avec la balle que t'as récupérée. De toute façon, vous n'arrivez pas en mode guerre, quoi. Vos Non. armes, elles sont pas à vos mains quand vous arrivez, quoi. Non, Non, rien d'apparent, non. Ok. Ouais, donc comme justement vous n'arrivez pas en mode guerre, on finit par vous ouvrir la porte. Et donc c'est un aubergiste avec une moustache qui lui prend la moitié du visage qui vous accueille. Il a un gros comment il a un gros tablier plein de taches de graisse et lui-même en fait il sent comment dire il sent à la fois le poulet et le bouillon et il a comment il a un petit fichu blanc en fait sur la tête qui couvre son crâne chauve. Il fait bienvenue à l'auberge Campanile. Moi c'est Briochon l'aubergiste et il vous tend une grosse paluche en fait pour vous serrer la main. Bah, moi, Justement, il attend à toi en particulier, Théophraste. Ah non, puisque j'ai aussi une moustache élégante, donc peut-être. Ah oui. En tout cas, naturellement, il regarde avec beaucoup d'attention sa moustache en lissant la sienne. Et quand il lui tend la main, il l'empoigne en souriant à pleines dents. Ah, du coup, il te demande. Voilà, mais comment vous faites pour avoir une moustache aussi lisse et bien entre-secret? Là, il a une hésitation, puis il met les mains vers une sacoche que je n'avais pas décrite jusque-là, et il sort une sorte de. Un minuscule onguent, comme un trésor. D'ailleurs, je ne dois pas le Ok. marquer dans le matériel. Bah, tu peux le marquer, hein. Voilà. Et en fait, il passe un doigt à l'intérieur, puis il lisse un coin de moustache et il sourit. Puis Comme pour regarde. signifier. Qu'est-ce qu'on peut voir sur de tatouage sur toi? Alors j'ai considéré que j'ai pris une petite liberté, j'avoue, j'ai considéré que t'avais au moins un tatouage de visible et que c'était sans doute ça qui avait attiré l'attention du chinois. J'en ai un qui me recouvre tout le cou, donc Ouais, ok. dès qu'on a une conversation, il passe difficilement inaperçu. Et il représente quoi ton tatouage? Bah tu sais quoi, je vais reprendre celui d'illustration, donc c'est une chauve-souris, en fait, Ok. qui fait tout dont les ailes font tout le tour. Impeccable. Et dont la gueule ouverte correspond à peu près à ma pomme d'Adam, quoi. Voilà. Il fait une chauve-souris, c'est intéressant, c'est symbole de présage nocturne. Bon ou mauvais présage, je saurais pas vous le dire, quoi. Mais c'est symbole des révélations qui arrivent pendant la nuit. Y a son sourire qui retombe, comme s'il tentait de comprendre ce qu'on est en train de lui raconter, puis se remet à sourire et à rire bêtement. Donc il va finir par ne plus laisser aucun doute vis-à-vis de son intellect face à son interlocuteur. Ok. Bon, écoute, honnêtement, Briochon, c'est un gars simple et il a peur de se formaliser de l'intellect des personnes en face de lui, quoi. Bon, D'accord. visiblement, tu sembles. En fait, tu sembles des quatre celui qui accroche le plus sa sympathie, quoi. Fais, mais restez pas là dans le froid, installez-vous, rentrez au chaud, quoi. Et justement, effectivement, dans l'auberge, il fait chaud. Là, j'en profite hein, pour dire que c'est le tour de Belette. Il fait assez chaud. L'endroit est vraiment chaleureux, accueillant. Il y a une grosse table avec des comment qui est creusée en fait pour du coup les écuelles, si on veut, sont intégrées à la table. C'est des creux dans la table. Et il y a une espèce de gros lustre qui est en fait une roue de tracteur qui est accrochée au mur par des chaînes avec plein de bougies qui pendent. Et il y a une tac. Il y a une nana qui sort de la cuisine en fait. Alors, éventuellement, si tu veux, comment, si, est-ce que, Belette, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un lien positif avec la cuisinière? Ouais, pourquoi pas. Tu me proposes d'écrire quelque chose avec la cuisinière, c'est ça? Ouais, enfin, donc du coup. Tac. En fait, la cuisinière, tu la connais. Et ben, tu saurais pas trop dire, mais t'as plutôt des bons souvenirs la concernant. Et quand elle te voit, elle te fait un clin d'œil. C'est une femme qui est à peu près dans tes âges. Elle a des cheveux roux et elle a le visage qui s'empourpre très rapidement. Elle a un grand tablier qui fait qu'on n'arrive pas à savoir si elle est bien en chair ou si elle est frêle. Mais en tout cas, elle a un visage assez rayonnant, quoi. Et pour finir, il y a aussi une troisième personne dans cette auberge. C'est une nana qui est au fond de comment qui est au fond de l'auberge en bout de table et qui est un peu absorbée dans une tisane qu'elle boit. Elle, par contre, elle est vraiment lugubre. Elle a une robe de bure noire. Elle a une coupe de cheveux absolument improbable en fait, une coupe en brosse qui fait qu'elle ressemble beaucoup, elle ressemble beaucoup à Desireless en fait, la chanteuse. Donc c'est vraiment étrange parce que du coup elle a une tête ridicule, mais en même temps elle fait froid dans le dos. Elle a une cicatrice en fait qui lui mange entièrement un œil. Elle a un œil mort qui a l'air de vous fixer en fait méchamment. Moi, je vais peut-être profiter de mes affinités avec la cuisinière enfin, je vais changer deux trois banalités et avoir l'interroger un petit peu sur cette résidente, quoi. D'abord, je vous demanderai de. Ouais. Comment cette résidence est venue armée et elle a laissé son arme à la réserve. Et je vous demanderai de faire de même si vous avez des armes. Lui, il n'a pas compris la question, hein, naturellement, Théophraste. Il a toujours ses couteaux de lancer sous ses Ouais. vêtements. Bah, on les voit, tes couteaux de lancer, ou ils sont planqués? Je pense qu'il y en a certains qui sont visibles, mais il y en a un peu partout, quoi. Ok, bah pour ceux qui sont visibles, il y a Briochon, tu vois, il te les prend, mais t'es d'un l'air, je peux vous, dé je vous débarrasse. Hein. Naturellement, à partir du moment où il est doux dans ses gestes, Ouais, tout à fait. Ouais. bah Du coup, il il. embarque tes couteaux. Quant à Edic, par rapport à ta machette. Ouais, il peut l'embarquer. Ok. Le pistolet, pour moi, il est pas accessible, il est dans mon sac à dos. Ça roule. Ok, donc en fait il entraîne ça dans la. En fait, il y a une porte qui donne sur les cuisines et il emmène ça dans les cuisines, quoi. La femme de l'aubergiste en fait se présente. Je m'appelle Croutel, mais enfin on se connaît déjà de toute façon. Et Oh. mais c'est étrange, on se connaît, mais pour autant je saurais pas dire d'où. Oui, vous vouliez savoir cette femme là, elle vient de Marly Gaumont en fait. Hein. Elle dit qu'elle comment qu'il y a eu un problème avec à Marly Gaumont avec des fanatiques, s'appellent les expiatistes. J'ai déjà entendu parler, enfin je sais pas trop, mais je crois que les expiatistes, c'est des gens qui tuent au nom de Dieu, en fait, qui tuent tous les pécheurs. Elle serait venue chercher refuge ici. Oui, parce que soi-disant, d'après elle, la ville est aux mains des expiatistes. Je discute de manière un peu mécanique, même si je, enfin, j'essaie de fouiller ma mémoire pour essayer de retrouver le moment où on s'est croisé, on s'est entrecroisé. Ok, si tu veux faire ça, il y aurait un prix à payer. Alors juste, comment? Par rapport au prix, le goupil n'est pas obligé d'annoncer cash à un prix, parce que en fait, si Fabrice dit bah c'est pas la peine, je veux pas payer un prix, bah c'est pas la peine d'en inventer un, quoi. Et je vous rappelle juste qu'il y a toujours une option qui est de de ne pas avoir ce qu'on désire et de prendre un, en fait, enfin, que les choses tournent au pire et de prendre un as de pique. C'est vrai qu'on l'a pas utilisé jusqu'à présent, mais parce que je l'évoque pas à chaque fois, mais vous avez toujours cette option là. L'as de pique, ça permet d'éviter le. Plus tard, ça te permettrait d'avoir quelque chose sans payer le prix, ouais. C'est ça. Ou alors de demander direct tout de suite un avantage. Donc, est-ce que tu émets un vœu? Ouais, est-ce que tu veux toujours savoir dans quelles circonstances tu as Ouais, rencontré je veux. Montel? Et en échange, je propose de d'annoncer mon problème dormant. Je peux le faire ou pas? Bah, si le En échange. Goupil valide, ouais. Tu validerais Goupil? Ah bon, avec plaisir, tu penses. Ok. Ouais, donc du coup, tu te plonges dans son regard pour essayer de d'en savoir plus et vas-y bah je te laisse lancer vas-y dis-nous ton problème dormant. Alors, le problème dormant, c'est j'ai une trace du démon en fait. J'ai une tache de naissance sur la fesse droite qui fait penser à quelque chose de diabolique. Et bon, j'évite de le montrer du coup. Ça pourrait m'être très dommageable si les gens l'apprenaient. Ok. En fait, t'es déjà venu ici, à l'auberge. C'était à l'époque où vous étiez encore dans la tribu. Et en fait, bah, vous vous étiez arrêté dans l'auberge, vous avez payé en faisant des tours, quoi. Et à la faveur de la nuit, bah, Croutel et toi... vous avez, enfin, en tout cas, ces souvenirs sont comme ça, quoi. Comment? Vous avez commis le péché de chair. Et depuis, bah, tu sais que Croutel, en fait, connaît ta marque. Okay. Et on a sûrement oublié, tout simplement à cause du syndrome de l'oubli, quoique au fil du temps, les événements sont un peu. Ouais, voilà, il fallait que tu te concentres pas mal pour te rappeler cette histoire-là, quoi. Et peut-être que les autres se rappellent pas être déjà passés à l'auberge, ouais, c'est possible. Ok. Juste petite précision, est-ce qu'elle a l'air de se souvenir que bah, qu'on a commis le péché de chair ensemble Bah en fait, elle te fait une tape amicale à l'endroit où t'as ton tatouage. Ou à l'endroit où t'as la marque du démon, je veux dire. D'accord. Elle sait, mon ami, fait la terre, ou plutôt. Ça se passe comment avec le Goupil? Je peux lui parler aussi? Je peux lui Tu peux lui répondre? parler ou tu peux lui dire tais-toi, Goupil. Tais-toi, Goupil. Oui. Ok. Je vais passer au tour de Dick. Dick, à moins qu'il y a quelque chose qui lui saute dessus, il va simplement se mettre dans un coin et bougonner tranquillement. Alors, il y a quelque chose qui te saute dessus, en fait. c'est Briochon qui te demande ah, voilà, comment on vous propose comment on vous propose des mets de choix et tout, mais je vais peut-être juste avoir et puis le gîte et le couvert. Mais je vais juste quand même demander comment vous pouvez payer votre séjour, quoi. On a de la viande fière fraîche en quantité. Ok, ah, montrez-moi ça. Bah, je déballe le morceau du kleps, quoi. Ah, pas mal du tout. Il y a comment, il y a le cocker qui se met à gueuler. Moi, je fais absolument pas le lien. Et je lui gratte la tête en train de comment dire sous les oreilles en comprenant pas le problème. Ouais, ça roule. Il fait vous savez, ah bah écoutez, ce serait l'idéal. Je crois même que ça pourrait largement payer pour tout le monde, quoi. Si vous me laissez l'ensemble. Ouais, ça me semble juste. Vous voulez un peu d'aide pour le dépecer Ah bah oui, pourquoi pas, faut m'aider, puis du coup on va discuter tout en faisant ça. Faire connaissance. Et là, on peut voir sur le visage de Dick qu'en fait, ouais, c'est pas du tout ce qu'il avait en tête. Lui, il voulait aller en cuisine pour qu'on lui foute la paix. Mais il dit rien. Ok. Donc, tu te retrouves en cuisine avec Briochon. Mmh. Et puis donc, vous retrouvez tous les deux et tout. Il y a du coup Briochon se met torse nu pour dépiauter toute cette viande pour pas s'en mettre partout en fait. Un après lui quoi. Et je fais la petite là avec les dreads, c'est ta petite amie C'est ma sœur. Ah ouais, attends, pourtant je trouvais pas que vous ressemblez ou pas. Déjà, on a le même tatouage. Ouais. Sinon, on te ressemblait pas. Voilà. Okay. Et du coup, Briochon, il fait... Ouais, bon, excuse-moi, je te pose des questions, mais de toute façon, ça se trouve, t'aimes pas les filles. Je continue à découper la viande, je le regarde pas. Ok. C'est quoi, ton tatouage, il est visible à toi? Oui, il est visible. Il part aussi dans mon cou. C'est un chat. C'est un chat. C'est quoi ce chat là? Ça représente un chat que tu connais? Pas le chat élégant, félin, le gros matou quoi. La sale bête avec plein de poils qui partent dans tous les sens et les gros yeux. Je sais pas, souviens pas. Ah bon, ouais. Et t'es comme ce chat un petit peu. T'es un peu sauvage, non? Oui, il y a un peu farouche. Sauvagerie. Oui, farouche. Bah, surtout, il est un peu agoraphobe, notre ami Dick. Et ça, c'est mon problème, Jérémy. Ouais, tu. Comment. Mais tu sais, ouais, je vois bien que t'as peur des gens, mais là. On est juste toi et moi, quoi. Enfin, je suis ton ami, tu peux te confier à moi. Enfin, j'ai tout de suite vu que. Enfin, je vous apprécie, là, vous quatre. Je trouve que vous avez besoin d'aide. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, ce serait vraiment un plaisir. Mon ami. Oui, ah non, c'est pas moi le goupil, pardon. Non, c'est le contraire, c'est moi qui suis ton goupil. C'est Fabrice, mon goupil. En fait, je réponds vraiment par la politesse la plus minimale que je puisse faire. Ok. Et tu vois que clairement, au bout d'un moment... Briochon il se sent un peu rejeté et du coup il se mure dans le silence et il met tout de suite beaucoup moins d'entrain à préparer la viande. Et là, moi, ça va mieux. Ok, super. Ok, donc ma chère Is. Il y a Croutel, hein, l'aubergiste, qui te demande si tu qu'est-ce que tu voudrais manger, qu'est-ce qui te ferait plaisir. La cuisinière. Ouais. Elle est très souriante. N'importe ce que vous avez. Qu'est-ce que les autres ont demandé? En fait, il faut savoir que Briochon et moi-même sommes des cuisiniers à part. On aime beaucoup faire des choses très personnalisées et, enfin voilà, on met tout notre amour dans notre cuisine, quoi. Et on aime bien en savoir plus sur les gens avant de leur préparer à manger. Je la regarde fixement. Est-ce que vous avez des cerises? Ah oui, c'est serait bien possible, oui. Vous voulez des cerises? Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle, les cerises? Justement, j'ai oublié leur goût. D'accord. Bon, je vois ce qu'on peut faire pour. Alors, juste, il y a un truc que vous devez savoir sur les gens. Les gens, en général, ils sont comme vous, ils oublient plein de trucs. Ils oublient dans quelles circonstances ils ont rencontré telle ou telle personne, ni même si vraiment ils connaissent. Enfin, par exemple, quand vous rentrez dans l'auberge, ça se trouve, ce que se demande Croutel et Briochon, c'est s'ils vous ont pas déjà vu par le passé, quoi. Et en fait, les gens posent énormément de questions tout le temps, parce qu'ils sont tout le temps en train d'inquiéter sur leur passé. Donc le fait que les gens soient curieux comme ça, c'est pas forcément anormal, quoi. Et ça va même très loin dans le sens où les souvenirs, c'est quasiment une monnaie, en fait, ami de vous. D'accord. Parce que comme t'es tout le temps en train d'enquêter sur ton passé, plus tu récupères de souvenirs de droite et de gauche, plus c'est des pièces du puzzle que tu rassembles au fur et à mesure. Et les souvenirs des gens, même des gens que tu connais pas, ça t'intéresse parce que ça se trouve, en fait, c'est une pièce de ton puzzle personnel ou quelque chose que tu pourras marchander contre un autre souvenir, et ainsi de suite, quoi. Ok, et donc, et sinon, vous préférez quel type de couchage? Vous voulez dormir toute seule ou vous voulez dormir avec quelqu'un d'autre? Non, on dort tous ensemble. Ah ok, tous ensemble, même Belette, il va dormir avec vous. Bah oui, pourquoi? Comme ça, par curiosité, c'est tout. Fais partie de la tribu. Vous faites partie d'une tribu? C'est pour ton tatouage, il est visible. Ah oui, c'est sur les doigts, sur les phalanges. Intéressant. Et c'est ça ressemble à quoi? Des insectes. Ok. C'est cool. Vous voulez qu'on vous prépare des insectes avec les cerises? Non, je les mange pas. Ok, Je les aime excusez-moi pas. si j'ai commis une faute. Moi, je la regarde de plus en plus intriguée. Et tu vois comme tu la regardes, elle te regarde aussi comme se sentant en quelque sorte autorisée à te dévisager de pied en cap. Mais juste des cerises, ça sera très bien. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Et donc, je vais aller chercher ça. Et donc, elle s'éloigne, quoi. Donc, du coup, c'est le tour de Théo. Théo qui dans ces moments-là est un peu frustrant par son état d'imbécile heureux. Ça me bride un peu. Comme il voit que chacun s'occupe à sa façon, toujours enfin, il va finalement lâcher son chien qui va faquer ses propres affaires. Et lui, il va faire les 100 pas dans l'auberge, observer tout, jouer avec ce qui pendouille, regarder les gens avec un peu trop d'insistance. Même Désirless, je sais ce qu'on la nomme. Et elle te fait Qu'est-ce que tu me veux, étranger? Il hoche la tête. Qu'est-ce qu'il frappe, mis à part sa coupe, hirsute? Elle a un crucifix en fait elle a un crucifix autour du cou. Et elle a l'air barjot. Vraiment, c'est sur son visage qu'elle est barge, quoi. D'accord. En même temps, lui, il aime ce qui brille. Donc, au début, il était fasciné par sa coiffure. Et dès l'instant où il voit le reflet de sa croix d'argent, Ouais. tout de suite, il la regarde avec un peu d'insistance et il tend les doigts dans sa direction. Ne touche pas, blasphémateur! Ah, une expiatrice. À ce moment-là, il sursaute, comment dire. Il ramène sa main en arrière comme si c'était brûlé. Il baisse un peu la tête tout penaud et il lâche une sorte de pardon et il recule lentement, les mains en évidence. Et il va très vite se remettre à sa place comme un enfant puni. Il regarde ailleurs. Elle sort un chapelet et comment est, tu vois, chaque graine du chapelet, visiblement, il y a une petite inscription dessus. Et elle sort une pointe d'os et elle s'apprête à graver, en fait, il y a un grain vierge. Elle demande: quel est ton nom? Pensant que ça va lui tirer le mauvais œil ou que c'est le mauvais sort, il fait un nom de la tête. Dis ton nom. Il continue à faire don de la tête, mais cette fois, il y a une sorte de gémissement sourd de sa bouche fermée qui s'échappe comme ça. Dis ton nom! Là, il commence à regarder un peu avec inquiétude ses camarades, comme s'il pouvait lui porter secours. En l'occurrence, Belette, en conversation avec Routel, dit que tu es ailleurs. Non, tu n'étais pas en conversation avec Routel, Belette, donc c'est peut-être toi qui regardes, si tu es encore dans la pièce. Dit qu'il est. Je parle de Belette. Hein, je parle de Belette. Dit qu'il est dans son coin en train de. Ouais. Peut-être tourner la viande, on va dire. Belette, t'es parmi nous? Ah, il y a encore une déconnexion. Ouais, oui, c'est chaud. Non, je suis toujours là, je suis toujours. Juste, je recalcule le truc. Oui, enfin. Normalement, j'étais dans le coin. Bah, en fait, tu me vois. Je te lance un regard implorant, et de temps à autre, je tente de. Et tu vois que je fuis le regard de la grenouille de bénitier agressive. Mais tu réagis pas plus que ça? Je me rapproche, nonchalamment, intrigué. Je sais pas, mettons, je fais le tour des tables, je regarde un peu autour de moi. Bah, là, je t'appelle et je fais. Belette, elle veut me prendre mon nom. Alors je m'approche avec en agitant mon petit yo-yo, en faisant des figures, rien. Et je relève la tête vers. Elle est jeune, elle est vieille d'ailleurs. Je sais pas, tu lui donnerais. Non, elle est jeune, hein, tu lui donnerais 20 ans quoi. Ouais, donc. 20 ans, mais usé par la folie, quoi. Ok. Il y a un aura de sérieux, de un truc un peu. Ah ouais, elle déconne pas. Tu vois, je fais des espèces de zigzag, de triangle, de figure avec mon yo-yo et je m'approche d'elle, genre. Tu vois ce que je sais faire et tout. La lumière qui clignote dans tous les sens. Il y a même peut-être des clients qui sont attirés par la lumière. Il n'y a pas d'autres clients en fait. Il n'y a pas d'autres clients. Bon, tant pis. Quel est ton nom? On m'appelle Belette. Et du coup, elle écrit ton nom en fait sur un des grains du chapelet, quoi. Et j'en vois beaucoup des noms sur les grains là, des chapelets. Ouais, il y en a plein. Ça veut dire que moi aussi, je suis un nouvel ami. Si j'ai droit d'être sur ton collier. Oui, tu seras sauvé. Oh, c'est gentil. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux pas peut-être passer la soirée avec nous? Tu veux peut-être pas rester toute seule? Oui, on peut faire ça. Ils sont où les autres d'ailleurs? Ah ben je pense qu'ils ont eu le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. De toute façon là il y a Briochon qui tape en fait dans une gamelle avec sa louche. Il dit ouais, à table et tout, c'est prêt. Moi je fais allez venez tout le monde et je la prends. Enfin il va y avoir une réaction certainement, mais je la prends par le bras, genre bras dessus bras dessous pour. Eh, venez, je vais vous présenter ma nouvelle meilleure amie. Ah ouais, grave, en fait, elle fait mine de t'écarter le bras pour que tu la touches pas, quoi. Ok, bah je regarde, jette un œil à... pas très chaleureuse, quoi. Jette un œil à Théo, genre... Mais... Ah, Théo n'est plus là, en fait. Dès l'instant où il est sorti de son attention, il en a profité pour dégarpir un petit peu, en fait. Il observe, hein, mais il se cache dans un angle mort et il veut qu'elle oublie son existence. Ah, ben, je prononce le nom de Théo à voix haute en regardant autour de moi, sans, ça sera moins de problème, peut-être. Bon, ça vous va de passer à la table, hein? Ah oui. Ça marche, pas de soucis. Okay. Il l'a préparé comment, le repas? Bah écoute, il, en fait, il a une réserve où il allait récupérer des... comment? Il allait récupérer de la bouffe qu'il avait en stock, quoi. Y a Croutel qui s'est éclipsé pour aller récupérer des cerises aussi, notamment. Je veux dire, il nous a pas mis de la viande humaine, quoi. Ça serait que... Bah, je vais te dire, je vais te dire ce qui va te servir, quoi. Tu verras bien, en fonction de tes, tu verras ce que tes papis te disent. Putain, on fait une auberge dans Milo, faut pas qu'il manque la viande humaine. Non, mais ça me donne des gaz. Celle-là, je vais la noter. Donc, en fait, il y a comment? Croutel, elle sert d'abord en fait dans une grande assiette. Elle te sert toi Belette en premier. Et ce qui est vraiment chaud en fait, c'est que elle te sert une Belette. La Belette en fait, elle est pas, elle a été cuite avec ses poils et il y a une, on voit qu'elle est sans doute qu'elle a dû, elle a dû être vidée et puis farcie avec. Farci avec quelque chose quoi et c'est recousu donc en fait il faut elle te tend un couteau pour enlever la couture et dévoiler la farce et en fait elle est sur un la Belette elle est sur un lit de sauce au sang au sang et au vin rouge et en fait ça dessine le portrait du démon et en te servant en fait elle okay. Elle te murmure à l'oreille. J'aimerais bien le revoir. Je racle la gorge, l'air de rien, et je fais. D'accord. Bon, ce soir, retrouve-moi dans les tables. Je suis un peu comme tétanisé comme ça et je me repense vers mon assiette avec un sourire discret. Ok. Dick, t'es parmi nous? Tout à fait. Alors, toi, en fait, il te briochon, il te sert, mais alors vraiment, quand même avec un mépris, ces gens, limite, ils jettent pas l'assiette, quoi. Il a pas l'air très content. Et en fait, c'est la tête du chien qui te regarde avec ses yeux noirs, quoi. Et t'entends quelque chose, en fait, c'est le bruit de mouches attirées par le fumet de l'animal, quoi. Et la tête du chien te regarde. Briochon, il fait « Bon appétit ». Je sais pas si je vais manger ça en fait. Je préfère ça, jeûner. Ça a l'air mangeable. Ah mais c'est ouais c'est en fait le pire dans l'histoire c'est que ça sent vachement bon et en fait il a comment il a fait revenir la cervelle du chien avec avec des épices du coulis et puis des comment des oignons et des aromates hein, qu'il a resservi en fait dans le crâne du chien quoi. En fait le crâne du chien est ouvert quoi et en quelque sorte ça fait une sorte de marmite quoi pour cette cervelle recomposée quoi. Et ça sent vachement bon quoi. Ok. Et le cocker qui est quand même assez, enfin, tu sais, il est, en fait, il est, il se tourne, comment, il tourne sur lui-même en se bouffant l'arrière-train de nervosité, quoi. Allez, mon ami, tu as faim comme tout le monde, non? C'est vrai, j'ai faim. tu bouffes le crâne du chien. Est-ce que comment tu manges ça? Tu manges ça proprement, lentement, ou plutôt en mode bafrage? Je mange toujours proprement. Ok. On dit toujours ça au début. Alors pour la petite histoire, il t'avait pas servi de couvert, donc t'es carrément obligé d'en demander quoi. Et évidemment, il avait pas prévu que tu pourrais avoir besoin de couvert, à moins que t'aies été couvert perso, quoi. Bah, comme je mange toujours proprement, ouais. Ok. Je te vois bien sortir ta petite serviette et tes couverts. Ta cuillère en bois, Ça roule. Peggy, en fait, c'est Croutel qui te sert. Et donc c'est un clafoutis à la cerise, avec pas mal de cerises aussi posées par-dessus que tu peux manger comme ça nu quoi. Et il y a aussi de la viande aux cerises avec une sauce au vin rouge. Si tu préfères, enfin, du coup, t'as du salé et puis du sucré à la cerise, quoi. Et sachant que c'est pas du tout la saison des cerises. Je regarde les assiettes de mes compagnons, je regarde la mienne et je tripote un peu tout ça du bout de la fourchette en cherchant ce qui cloche, quoi. À part que le fait que les cerises, c'est pas de saison. Voilà ce qui se passe quand on joue la sécurité. De quoi? Rien. Continue, continue. Elles ont l'air savoureuses. Savoureux, c'est un mot assez faible pour désigner ces cerises, ouais. Je mange alors. Ok. Alors en fait, si tu manges des cerises, tu vas retrouver le goût de la cerise et en même temps tu vas retrouver un souvenir important, quoi. En revanche, il y a un prix à payer. Est-ce que tu payes le prix ou est-ce que tu préfères éviter de manger les cerises finalement? Si je mange les cerises en les faisant claquer dans la bouche. Ok, alors, attends. J'essaie de voir ce que j'ai. En fait, les premiers souvenirs qui te viennent quand tu manges les cerises, c'est un petit convoi de fourmis qui trimballent des branches, des feuilles et puis des cerises justement et qui t'en apportent. Et tu te rappelles que tu es aux côtés de la reine, une espèce d'énorme fourmi rouge. Avec un abdomen gonflé. Et t'es contre la reine, et tu comprends qu'elle est. Même si elle est immense et monstrueuse, quoi, elle n'est pas forcément maléfique. Et elle peut rendre des services, en fait. Après, voilà, il faut pas l'offenser, quoi. Quand on l'offense, c'est là qu'elle devient dangereuse, quoi. Mais elle est pas. Tu sens un grand pouvoir et en même temps une grande bienveillance du moment qu'on est bienveillant avec elle, quoi. D'accord. Hop. Tac, mon petit Théophras, qu'est-ce qui pourrait te servir à bouffer, toi? Je me demande s'ils n'ont pas de la liqueur de cerise pour accompagner tout ça. Ah mais si, si, y a pas de problème, elle t'apporte une liqueur quoi, dans une bouteille rouge, bouteille en terre cuite. Elle te fait, je vous préviens, ça tape dur quoi. Mais c'est ça que je veux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu si tu si tu sombres dans l'ivresse avec cette bouteille? Rien de particulier, c'est ce qu'elle recherche en fait. Quand ça brûle à l'intérieur. Ok. Eh ben écoute, c'est exactement, du coup c'est exactement ça quoi. Et tu commences à sentir comment une ivresse qui effectivement brûle de partout quoi. C'est presque comme si l'auberge elle-même brûlait. Et là les choses comment, que tu commences à voir les choses différentes quoi. Et tu sens notamment comment entre niveau de briochon et de croutelle, comme une aura en fait, et tu comprends qu'ils sont à la fois remplis de désir et remplis de magie. Je les regarde avec un œil nouveau. Et donc il y a comment il y a Briochon qui arrive avec un en fait un gâteau, enfin c'est un gâteau un peu particulier puisque c'est du fromage de tête en fait, du fromage de tête de sanglier. Alors, je sais pas si vous savez c'est quoi le fromage de tête. C'est fait avec les c'est fait avec les cartilages, le groin, les oreilles, puis la cervelle des sangliers en fait. Et c'est une sorte de gelée en fait. Et donc il y a une grosse bougie dessus et en fait Briochon il fait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Théophraste, joyeux anniversaire. Alors, ravissement, il applaudit à tout rompre. Tout de suite tu vois comment elle s'appelle machin, machine qui commence à écrire ton nom sur un grain, quoi. Aïe. Non, il s'en est pas rendu compte. Et moi, Il a peut-être même oublié. quand j'entends la chanson Joyeux anniversaire, je deviens blanc, je repousse mon assiette et je suis furieux. Ça te rappelle un mauvais souvenir? Ou Je un bon déteste les souvenir, justement? anniversaires. Pardon? Je déteste les anniversaires. Ah. Je déteste tout ce qui est la mémoire, tout ce qui est ce souvenir. Et Briochon, il fait, pourquoi vous détestez les anniversaires? Et je l'ai pas dit, hein, je répondais à la question méta. Oui, mais Hein. il a peut-être Ah, ok. déduit. Ouais, remarque, ouais, sans doute qu'il l'a déduit. Enfin, à ton attitude, il comprend qu'il y a un problème avec les anniversaires. Il me posait la question. Ouais. Chacun ses goûts, c'est mon problème. Pourtant, les souvenirs sont précieux, quoi. C'est ce qui donne du goût à la vie. Hein. Je hausse les épaules. Les mauvais comme les bons souvenirs. Le jour où tu n'en auras plus un seul, tu sais, tu n'auras plus qu'à te coucher et puis crever, quoi. J'attends ça avec impatience. Théo, il observe le manège entre les deux hommes et il se demande pourquoi est-ce que son festin lui a refusé là. Et ouais, il y a juste Briochon qui conclut. J'aurais aimé pouvoir trouver une nourriture qui te redonne le goût à la vie. J'ai échoué visiblement. Et du coup, il te donne ton gâteau, ton gâteau d'anniversaire, Théophraste. Il me donne le gâteau ou alors est-ce qu'il Ouais. le donne à. Ah non, il te le donne. C'est ton Oui, anniversaire à j'ai eu toi. peur qu'il le donne à Dick. Ouais, okay. Ah ben, je le mange avec les doigts en fait. Je prends des poignées Ok. et je ronronne de contentement. Ok. Ok, donc bah voilà, suite à ce. Alors, pour information, donc, ils ont aussi servi cette brave Désirless en fait. Et ils lui ont servi une couronne d'épines. Qu'elle coupe lentement avec son couteau et sa fourchette et qu'elle mâche avec application. Comme quoi, il y a des gens plus désagréables que moi. Elle a quand même l'air satisfaite. Désirless n'a jamais l'air satisfaite. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, visiblement, il y en faut plus pour la satisfaire, quoi. D'accord. Qu'elle l'observe ça avec dédain en... Donc ça va être le, ça va être bon là le repas est fini hein, ça va être l'heure d'aller dormir. Je vais vous redemander l'ambiance. Est-ce qu'on reste en intime ou est-ce que vous voulez monter en périlleux ou en cauchemardesque? Alors, moi j'aimerais bien monter en cauchemar mais bon c'est après c'est personnel. Ah ça pourrait être rigolo. Ouais. Vu que la nuit arrive, hein, je sais pas. Cauchemar pour moi c'est sûrement l'indigestion de cette cervelle de chien. Ok. Alors pour information, hein, là on monte en cauchemar. Bon déjà, encore une fois, hein, il faut savoir que ces histoires d'ambiance, c'est un échelonnement entre de la table qui se fait au fur et à mesure. C'est difficile pour le MJ de donner exactement ce que les joueurs demandent dès la première séance. Hein, donc ça se trouve vous n'aurez pas le cauchemar que vous espérez. Autre chose, en fait, quand on est en cauchemar. Au lieu de gagner, quand on prend l'as de pique, au lieu d'en gagner un, on en gagne trois. D'accord. Par contre, je n'ai pas entendu l'avis de Peggy. Oui. Je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. C'est parti. Ça va ? Ok, super. Ok. Est-ce que, donc, en fait, Is. Comment elle s'appelle ? Notre ami. Croutel ? Croutel dit apparemment vous avez demandé à tous dormir dans la même pièce si j'ai bien compris. Elle s'adresse à qui? À vous tous quoi. Moi je hoche la tête satisfait. Ouais il te... Ok. L'air un peu elle a l'air un petit peu contrite de visiblement elle aurait préféré que vous ayez des chambres séparées, on sait pas trop pourquoi. Elle vous fait oui bah dans ces cas-là il y a la grande chambre on va installer des couchages. Donc elle vous amène à l'étage. En fait, il y a trois chambres et il y en a une qui est principalement grande effectivement qui va vous servir de dortoir. Donc elle a installé des paillasses quoi. Alors bon, c'est voilà, il y a pas de déco, mais bon, vous allez être bien. Il fait assez chaud parce que c'est au-dessus de la cuisine, quoi. Et c'est nettement, enfin c'est comment, c'est nettement supérieur à votre ordinaire, quoi. Il y a à peine de bestioles qui traînent. Voilà, c'est nickel, quoi. Okay, ben, à peine rentré dans la chambre. Je suppose qu'elle explique qu'enfin, elle avait quand même un minimum de politesse cette tour de chambre. Je suis déjà en train de me coucher dans un coin. Ok. Je tourne le dos à la pièce et je m'apprête à m'endormir. Elle souffle, en fait, elle souffle, elle se travaille avec une bougie, elle souffle la bougie et elle vous dit bonne nuit. Et elle descend, quoi. Donc vous l'entendez redescendre d'un pas lent. Bonne nuit. Le silence de Désirless fait beaucoup de bruit. Ne vous souhaite pas bonne nuit. Attends, Désirless dort avec nous ? Désirless dort avec nous ? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Il n'y a plus de place, sûrement. Ok. Enfin, il se couche avec son chien pour le moment. Ça roule. Donc le chien s'enroule près de toi et tu vois, il tremble. Il est traumatisé en fait. Et pour tout dire, il se fait dessus. Ah. Oh. Bah là, il se relève. Il se relève subitement et puis. Il tente de récupérer. En fait, il enlève une partie de son vêtement et il tente de ramasser les... Ouais, ok, ouais. Je ne sais même pas quel mot fleuri employer pour décrire la déjection, quoi, pour... Non, en fait, c'est juste pisser dessus, hein, si tu veux savoir. J'ai eu peur. Ouais. Bon, il éponge avec son. C'est pas complètement. Ok, ça roule. Belette, est-ce que tu sens en fait comment alors que l'heure passe, tu sens en fait ta peau qui frémit et c'est peut-être. Est-ce que tu vas tenir la promesse que t'as faite à Croutel? Est-ce que tu vas la rejoindre dans les tables? Ben oui, j'essaie de me lever discrètement. Je sais pas si je vais tenir ma promesse, mais je me rends au lieu de demander, quoi, on va dire. Est-ce qu'on veut partir? Est-ce que vous me voyez partir? Mm. Ben, genre, j'essaie de me lever discrètement, comme quelqu'un qui essaie de se lever discrètement en pleine nuit, quoi. Ouais, donc c'est mort, quoi. Disons que s'il y a quelqu'un qui est réveillé, c'est déjà sur mort. Après, tout dépend si le plancher est grinçant, si c'est genre un vieille baraque, ou à peine du poison de voix de pied, c'est mort. Moi, ce que je voulais faire, c'était m'occuper de Gabriel et le consoler un petit peu. Parce que cette pauvre bête me touche. Ok. Ça fait du mal. Donc je vois, sauf si je me suis endormi entre temps, certainement Belette qui s'en va. Ouais. C'est pas pour autant que je vais dire ou faire quoi que ce soit, il est libre de faire ce qu'il veut, il est grand. Ok. Moi alors que j'éponge, je vais peut-être lui lancer un regard, mais je m'intéresse non plus, quoi. Ouais. Et Is, je suppose que tu le laisses partir aussi? Non. C'est-à-dire? Je me lève pour le suivre. Tu vas où? Ouais. Je dois aller chercher un truc. Tu veux que je vienne avec toi? Oh, te dérange pas, c'est pas la peine. J'en ai pas pour longtemps, de toute façon. Puis tu dois être fatigué, il est tard. Tu reviens vite? Oui, je reviens vite. Il faut qu'on reste ensemble. Oui, si tu veux. Je te laisse Suzy si tu veux. Comme ça, je serai obligé de revenir. Je peux dormir avec elle? Ouais, mais tu lui fais pas de mal, non? Bien sûr que non. Je ferai comme quand toi tu dors avec elle. Ok, bah je passe une main fugace sur ton épaule et je fais demi-tour en ayant des yeux derrière la tête un peu. Ok. Donc, ouais, tu descends l'escalier, tu passes en fait la. Comment on peut accéder à l'étable, bah, soit en sortant, soit en passant par la cuisine. Au niveau de la cuisine, la porte de la cuisine est grande ouverte. Près du feu, il y a Briochon qui dort, mais très bruyamment, en fait, en ronflant très bruyamment. Et bon, visiblement, un éléphant pourrait passer juste à 2 cm de sa moustache, qui ne capterait rien, quoi. Ok, bah je passe, ouais, comme un éléphant, tiens. Ok. Du coup, tu t'arrives à l'étable. Ouais, j'arrive à l'étable, donc est-ce que Croutel est là? En fait, comment? Il y a les comment? Il y a les. Il fait un peu frais. Hein, il y a les. Il y a 2 chevaux qui piachent, qui piaffent. Et tu vois en fait il y a des bottes de paille, enfin il y a en fait il y a tu sais il y a une espèce de ouais il y a une espèce de mangeoire remplie de foin, et en fait elle est dans le en fait elle a juste la tête qui dépasse du foin, puis elle fait j'ai froid, viens me rejoindre. Ok, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres gens dans les environs? Est-ce que je peux craindre une présence? Prends ce que tu as à prendre, mon ami, et tu l'as. Tu sens qu'il y a une présence, mais tu saurais pas dire que c'est autour de toi en fait. Il y a son panache en fait qui forme une petite son souffle qui forme une petite fumée. Dépêche-toi, je commence à avoir froid. Viens, sinon je dirai ton secret aux autres. Tu vois, mon ami, elle va parler. Elle te tient en laisse. Ok, je fais encore quelques pas j'essaye de me souvenir si en fait j'ai eu un blanc et donc je vais activer mon problème germé. Ok, c'est quoi ton problème germé? Donc mon problème germé c'est blanc, c'est-à-dire j'ai des pertes de mémoire. Mais je sais pas quand ça se passe en fait. J'ai des moments de vie vides à des moments donnés, mais je sais pas quand est-ce qu'ils ont lieu quoi. Je m'en rends compte que plus tard en fait. Donc là, t'as un Ouais. blanc Ouais, ça peut être ça, ou ça peut être juste est-ce que j'ai déjà eu un blanc, est-ce que j'ai ra déjà raté un truc qui pourrait faire que j'arrive. Il y a quelque chose que je saisis pas dans la situation. Ouais, c'est déjà arrivé. Généralement, ça arrive quand t'es soumis à des émotions fortes, que ce soit du plaisir, de la peur, du désir. Dépêche-toi, Belette, je commence vraiment à avoir froid. Et puis tu vois, elle écarte un peu le foin pour essayer de te faire comprendre que visiblement elle est habillée uniquement de foin, quoi. D'accord. Et juste au niveau du blanc, j'en ai pas eu récemment. C'est ça ma question en fait. Est-ce que j'ai eu le sentiment d'en avoir eu un récemment? Je pense que tu as dû avoir un blanc quand ta petite sœur a disparu, parce que c'était une émotion très forte, quoi. D'accord. En fait, l'idée, c'est j'essayais de me rapprocher d'elle en pensant que, en fait, en refaisant ce qu'on avait fait précédemment, ça me permettra de raviver ce souvenir. Ok, alors ça va effectivement comment tout, tout, tout. Le prix à payer, c'est un blanc en fait. Tu vas avoir un blanc. Ça te va? Ça me va, ouais. Ça me va. Moi, c'est très adapté à la situation en plus. Ouais. Donc tu veux raviver quel souvenir déjà? Un souvenir au niveau de ma sœur qui peut-être Ok. me permettrait de, enfin, d'en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. Donc vous attaque. En fait, tu comment elle est, comment elle te demande, elle dit embrasse-moi. Et si tu t'exécutes, effectivement, des souvenirs commencent à affluer à cause des émotions fortes, quoi. Et notamment, tu vois que le combat, tu vois deux choses en fait. Tu vois que tu pourchasses ta sœur qui a fugué dans la forêt. Elle a fugué avec, en fait, elle a fugué à cause d'un gamin, un gamin qui est le petit frère de Théophraste. En fait, ils ont fugué dans la forêt, bah, sans doute pour faire des trucs de gamins amoureux, quoi. Et toi, tu les as pourchassés, bah, pour, on ne sait pas trop quoi, pour peut-être pour les punir ou tout simplement pour les protéger, pour leur dire de. Et vous êtes tombés nez à nez avec avec la reine des fourmis. Ok. Et là, en fait, il y a eu la reine vous a pourchassés tous les trois. Et là, effectivement, c'est à ce moment-là où ta petite sœur a chuté et toi, t'as préféré fuir. Si j'ai bien compris, quoi. T'as préféré fuir, en fait, abandonnant ta sœur à la reine pour sauver ta propre vie, quoi. Et alors que tu sens le blanc venir, en fait, et tu sais à cause de quoi il vient à cause du plaisir de ce que t'es en train de faire, et il vient à cause du démon. À cause du démon qui t'a laissé sa marque. Et quand tu reprends tes esprits, abominable. En fait, t'as du foin et du sang dans la bouche. Il y a une odeur absolument abjecte, une odeur de sang, une odeur d'excréments. Et en fait, il y a le torse ouvert, le torse de cette pauvre croutelle avec la cage thoracique qui en ressort, quoi. Les os saillants, couverts de viande et de sang. Et cette odeur dans les narines. Et t'en as plein la bouche et c'est comment t'as les mains pleines de sang à quel point comment t'as les mains pleines de sang et d'os au point que tes ongles se sont cassés et donc là je passe à notre cher Dick. Voilà, ça c'est fait. Cher ça, à vous les studios. Donc tu dors en tenant en tenant Gabriel un peu au chaud quoi en essayant de le rassurer quoi. Tout à fait. Hein, ce pauvre chien transi qui sent la pisse et la peur, quoi. Et mine de rien, vous réchauffez mutuellement, mais au bout d'un moment, tu sens un autre corps qui te réchauffe. Hein. Ou plutôt qui te vole ta chaleur, en fait. Ça, c'est désiré. En voulant vérifier, tu te réalises que c'est pas désirless. C'est le chien mort avec le Saint-Bernard avec son foulard rouge. Et il te regarde et il te regarde avec ses yeux noirs, quoi. Puis avec les mouches autour de ses yeux. Et il te regarde avec ce regard qui demande pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère? Fous le camp. Ha! Ha! Fallait y penser avant. Ouf! Maintenant, je suis ton fardeau. Je vais tout le temps être sur ton dos. Tu n'auras plus aucune nuit normale. Pourquoi tu t'es mis en colère contre moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'avais fait? Je ne me suis pas mis en colère contre toi. Je me suis mis en colère contre Gabriel. C'est moi qui en ai fait les frais. T'es crevé, la bête. Ha! Tant que tu vivras, je vivrai aussi. Belle Pourquoi vie, tu t'es mis en toi. colère contre Gabriel? T'as un problème avec Gabriel? À cause du boucan qu'il faisait. Faut bien qu'on becte. Pourquoi t'aimes pas le boucan? J'aime pas, c'est tout. T'aimes pas les anniversaires, t'aimes pas le boucan. Alors qu'est-ce que tu aimes? La musique. Tu aimes la musique? Et là, on entend. Et là, je passe à Is. J'ai déjà peur. Tu suivais comment tu suivais il me semble que tu suivais discrètement comment il s'appelle déjà Belette hein. Non, à partir du moment où il m'a donné sa poupée, je suis partie me Ah oui, c'est recoucher. t'es parti te recoucher ouais. Sagement, avec la poupée. Et en fait, penché alors que tu dors avec la poupée froide, penché au-dessus de ta tête, il y a Désirless. Et comment et là, en fait, elle est penchée. Et là, y a que toi qui la remarque pour l'instant, quoi. Et là, en fait, elle a récupéré sa faux. Elle a profité du sommeil. Elle a profité du sommeil de l'aubergiste pour récupérer sa faux. C'est ça l'arme qu'elle a laissée. C'est sa faux parce que c'est une expiatiste. Elle coupe la tête des pêcheurs pour qu'ils aillent au paradis. Et en fait, tu vois, elle est penchée sur Théophraste. Et elle va abattre sa faux. Elle va couper sa petite tête. Et Si je tu veux l'en hurle empêcher, il de faudra en toutes payer mes le prix. forces. Tu cries de toutes tes forces? Ouais. Alors, il y a un prix à payer pour que ce soit suffisamment rapide pour réveiller les gens. Sachant que, bah, de toute façon, Belette, il est loin. Théophraste, il dort du sommeil du juste, du sommeil du naïf. Et puis, comment... Bah, je hurle et je me jette sur elle. Goupil, quel serait le prix à payer, d'après toi? Se Sans briser les mot de cordes vocales. cauchemar. Se briser les cordes vocales. Donc, du coup, elle deviendrait muette, quoi. Oui, un fou. Ok. Donc, ouais, c'est. Du coup, est-ce que t'es prête à payer ce prix, en fait? Ça va être un peu chiant à jouer. Alors. Juste pour information, de toute façon, il reste 20 minutes de jeu, mais tu pourras jouer en décrivant ce que fait ton perso. C'est juste qu'il pourra pas parler, quoi. Il pourra que crier, mais D'accord. il pourra pas avoir de langage articulé, quoi. Ok. Donc, ouais, tu hurles à t'en déchirer les cordes vocales, quoi. Ce qui fait que tout le monde se réveille, enfin, même toi, en fait, Belette, enfin, t'es loin, mais t'entends le cri, hein, parce que c'est vraiment un déchirement, quoi. Et ça réveille Briochon, et ça réveille effectivement Théophraste et notre ami Dick. Théophraste, là, comment Désirless, en fait, va te couper la tête. Pour te Mais faire payer ton techniquement, péché. il s'en empêche. Qui l'en empêche? Parce qu'elle dit qu'elle se jetait sur elle en même Oui. temps aussi, en Oui. plus de le crier dessus. Donc, Oui, je crie et je me jette sur elle. Ok, mais ça permet juste de temporiser. Maintenant, il va falloir la maîtriser définitivement, quoi. Je pense que le hurlement de Is va le faire rentrer dans une sorte de transe barbare et il va tenter de lui rendre la monnaie de sa pièce, à Désirless, en fait. Il va se mettre à hurler terreur, T'es capable de ça ou tu parce que Bah, en où tu fait, viens de là? parce que ça va réveiller un problème dormant. Ah bah dis-nous. Et je vais faire d'une pierre deux coups, honorant une certaine tradition auprès de Peggy. Donc, le souvenir refoulé, c'est un meurtre, en fait. Et en Ok. fait, l'espace d'un instant, il se rappelle. Enfin, on a juste des portions de mémoire qui passent devant ses yeux, où c'était une période où, que visiblement, Is et Théophraste ont tous deux oublié, une époque où lui-même semblait être sain d'esprit. On le voit évoluer dans les. Comment dire, dans un relief qui évoque un cirque, peut-être le lieu de leur tribu. Et il observe au loin Is qui s'éloigne main dans la main avec un inconnu. Et alors qu'il les suit, il les observe en fait à la dérobée en train de croquer la pomme, tout simplement. Et dès l'instant où le. Juste, je tempère un tout petit peu. Ça, c'est les souvenirs de comment? C'est les souvenirs de Théophraste. Petite info, c'est pas forcément arrivé. Ah, d'accord, C'est tes ok. souvenirs, quoi. Y a mon chat qui est en train de miauler, enfin qui est en train de ronronner à côté du micro. Je me rends compte que ça couvre. Il y a peut-être un risque que ça couvre ma voix, en fait. Bon, Bref. ça va, on l'entend pas. On l'entend pas. D'accord. On a maintenant que c'est que c'est que c'est. En tout cas, c'est ce qu'il croit voir. Et Ok. en fait, histoire d'arrêter de déblatérer, d'étaler la confiture, il s'avère que dès l'instant où les deux amants ont été séparés, il y a Théophraste qui s'est jeté sur le. Sur le prêtre, enfin sur l'amant, Ouais. pour en faire de la chair à pâté, quoi. Et il l'a tué de façon assez sanglante et violente. Moi, ça a fait aussi sortir mon problème dormant. Ok, ce qui est. J'avais juste marqué Mathias, ancien amant. Parfait. C'est énorme. Et donc à ce moment-là, il se met aussi à s'égosiller, à se jeter sur la faux, au risque de se blesser lui-même. Il a tenté de trancher la tête de Désirless avec sa propre arme. Ok. Ok. Donc tu veux la tuer avec sa propre arme. Bon, le fait que tu sois en le fait que tu sois en transe, je pense pourrait suffire à expliquer que tu sois éventuellement capable d'y arriver. Parce que ça reste une très dangereuse meurtrière. En revanche, je considère quand même que, enfin, du fait qu'elle est très dangereuse, qu'elle est capable de se battre et que c'est son arme et pas la tienne, Bien sûr. le fait qu'elle se défende si bien, en fait, bah, fait qu'il y a un prix à payer pour la tuer. Et là, je vais demander au Goupil quel serait le prix à payer pour réussir à tuer. Parce que tu veux la tuer, c'est ça, hein? Redis-moi. À fait. Ouais. Quel est le prix, Goupil, quel est le prix à payer pour tuer Désirless? Je n'ai pas d'idée. Alors, Ça du coup, si t'as pas peut d'idée. être un prix à payer par rapport à ce souvenir, hein, justement. Ça peut l'obliger à dévoiler quelque chose. Oui, Alors, sachant qu'on est en mode cauchemar, faut que ce soit du lourd. Mais alors ça peut être amplifié en fait, tu vois, un truc que tu as déjà dévoilé, l'amplifier en fait en mode cauchemar, quoi. Oh bah peut-être qu'il se rinçait l'œil du temps où il avait un tant soit peu de sanité, il se rinçait l'œil autant que possible sur Is, quoi. On a des têtes de vision de voyeurisme bien glauque. Ah, c'était peut-être pas le même gars avant de devenir un doudingue. Encore une fois, rien nous dit que c'est vraiment arrivé, hein, que tu l'as vraiment, que t'as vraiment pu l'avoir. Ce sont juste tes souvenirs, quoi. Et peut-être que tu dis quelque chose, en fait, tout en attaquant Désirless, quoi, qui en Ouais, fait, c'est vrai, c'est vrai. que tu le révèles vraiment, en fait. Il suffit pas de le dire Peut-être qu'à ce moment-là, de joueur à il a joueur, quoi. vraiment, ouais, effectivement, il a un langage articulé qui rappelle l'époque où il avait toute sa tête, elle a jamais été pour toi, Mathias. Il n'y a pas une once de son corps qui ne m'appartient pas. Ouais, t'es en train de le confondre, Désirless, avec Mathias, quoi. Voilà, c'est ça. Elle est à moi, c'est moi promise. Et du coup, il se va vraiment perdre sa voix. Et ouais, déjà c'est fait. Qu'est-ce qui te prend? Et ouais, t'as déjà réussi à lui arracher l'arme. Tu continues à dire des choses. C'est plus pour la mise en scène, hein, que j'essaie de trouver une phrase choc dans le sens je vais te saigner comme le pourceau que tu es! Et là, bah, enfin, finalement, plutôt que la couper la tête, il va tenter de l'éventrer avec son arme, quoi. Ok. Alors aussitôt, comment, bah, tous ceux qui sont à proximité, comment sont éclaboussés d'une vague de chaude. Et c'est vraiment cette chaleur qui s'échappe du corps froid de Désirless, quoi. Au moment où tu l'éventres avec, enfin clairement que tu la charrues avec la lame de la faux, quoi. C'est vraiment presque coupé en deux. Il y a sa chair qui se déverse d'elle. Elle se met à gueuler une espèce de malédiction en latin. Ouais, c'est comment. Il y a son corps éventré par terre qui se répand. Tout en rendant son dernier souffle, il y a sa main qui se crispe sur son chapelet jusqu'à ce que le chapelet se pète. Et le pire, c'est qu'à côté de ça, il y a un peu donc le meurtrier d'antan qui commence petit à petit à se déplacer à nouveau au simple d'esprit. Mais disons qu'il est à mi-chemin entre ces deux personnalités, de telle sorte qu'il commence à piétiner ses entrailles en riant comme un fou, quoi. Comme au vendange, en fait. Ah, Alors, justement, c'est sur ce piétinement-là, sur ces vendanges après, en fait, toi, Is, t'es pas dessoulé en fait de la liqueur que t'as bu tout à l'heure, quoi. Ton corps est plein de chaleur, ta tête est embrumée, quoi. Et tu vois justement là ce piétinement, cette macération qu'il est en train de faire, quoi. Tu sais plus si comment. Et là tu te rappelles de ton amant et à qui il arrive exactement la même chose, quoi. Et tout devient clair, tout devient plus chaud, tout devient plus rouge.